pas licence. Arrêtez, fais moi souffrir. Moi sans que moi ni temps. Pour battre mon bouche moi. L'amour comme moi ni pas. Yes la pipe est pas mouillée. Faut pas reconnaître tout ton moi. Si vous rentrez à sous tout ça. La pluie va qu'à tomber. Ouvrez la porte là pour ma well. Moi qui vois c'est tiens maille là. Qui m'en y a yo qu'à aller. Moi sape que pour souffrir. L'éducation yo bien faite. Mais faut qu'on comprenne moins. Moi sorti à temps mon courage. La force bon Dieu plus grand. Y'a des côtés moins dérivés. Tout au moins fini ouais. Parce que même pas. La vie a pas naissance. Arrêtez, fais-moi.